C'est sur les quais que j'ai rencontré Lily. Sur les quais que j'ai rencontré Lily. C'est sur les quais que j'ai brûlé ma vie. Sur les quais que j'ai rencontré Lily. À son Antoine, je lui ai dit, à son Antoine, je lui ai pourtant dit, à son Antoine, je lui ai mis, à son Antoine, je lui ai mis, je lui ai mis. Je lui ai mis une prune. Lily, Lily, Lily.